Sèche tes larmes, laisse couler le sang. Ne pleure pas, ne pleure pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes et passe à l'action. Derrière chaque problème se cache toujours une solution. Ne dis jamais que nul ne t'avait prévenu. T'as voulu simplement faire à ta tête, mais à ce jeu qui a perdu. Ceux que tu prenais pour tes amis se sont enfuis. Il ne reste plus que toi qui sombre dans le froid et l'oubli. Tous te voyaient comme un grand médecin. T'as voulu devenir musicien, te faire de nouveaux copains, c'est bien. À part peut-être les business illégaux, devenu un accro. Plus de temps pour le studio. Ta carrière était toute tracée, mais te voilà dans un fauteuil roulant à jamais immobilisé. Tu peux te confier, que s'est-il passé? Est-ce le système qui a fait de toi un condamné? Habité par le doute, cherchant sa route, c'est le pouvoir que tu voulais obtenir coûte que coûte. Qui vit par les armes, périt dans le drame à la recherche de son âme, accusé de tous les blâmes. Sèche tes larmes, laisse couler le son. Ne pleure pas, ne pleure pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes et passe à l'action. Derrière chaque problème se cache toujours une solution. Sèche tes larmes, laisse couler le son. Ne pleure pas, ne pleure pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes et passe à l'action. Derrière chaque problème se cache toujours une solution. Sois honnête avec toi-même, tu t'en doutais quand même qu'un jour tout ça finirait par t'attirer de sacrés problèmes. Tu disais au début ne jamais vouloir y goûter. Regarde tout ce que t'as perdu, est-ce vraiment ce que tu cherchais? Autour de toi, les gens qui t'appréciaient te souriaient autrefois. Ne vois plus que le mal qui croit en toi. Toi, ce bon gamin que tout le monde connaissait si bien, un bon matin, s'est fait enrôler par l'esprit du malin. Devenu néfaste aux yeux de la société, dissipé. Ton entourage s'est vite éloigné de toi, ne sachant vraiment plus où aller. Au bord du gouffre, tu jetas ta dignité ici-bas. Il ne te reste plus rien que les yeux pour pleurer, préférant être détesté qu'ignorer. Il faut t'accrocher pour ne pas sombrer. Il te faut lutter si tu veux décrocher. Sèche tes larmes, laisse couler le son. Ne pleure pas, ne pleure pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes et passe à l'action. Derrière chaque problème se cache toujours une solution. Sèche tes larmes, sèche tes larmes. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu dis ne pas t'en faire malgré toute critique. Ne vois-tu pas qu'en fait c'est ton cas qui devient critique? Pourquoi te mens-tu à toi-même? T'affliges-tu de faux problèmes de ta vie? Dis-moi, est-ce vraiment toi qui tiens les rênes? Vaine, n'existe pas dans ce vocabulaire. Il faut savoir te battre et toujours, toujours rester fier. Ne sois pas sur la défensive, tu gagneras 10 fois plus, je dis, en ayant une attitude constructive. Le sang qui coule dans tes veines est rempli de haine. Triste constat, tout ça n'en valait pas la peine. Pourquoi continuer à marcher sur un chemin sinueux sans savoir où tu mets les pieds? C'est dangereux. Pour un avenir meilleur, apprends de tes erreurs. Relève la tête, non, n'aie pas peur. À chaque pas, à chaque fois, là où tu iras, surtout n'oublie pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes, laisse couler le son. Ne pleure pas, ne pleure pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes et passe à l'action. Derrière chaque problème se cache toujours une solution. Sèche tes larmes, laisse couler le son. Ne pleure pas, ne pleure pas, fais toujours le bon choix. Sèche tes larmes et passe à l'action. Derrière chaque problème se cache toujours une solution.